Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, la fourmi Pachycondyla apicalis. C'est une fourmi brésilienne, mais elle est aussi présente du sud du Mexique jusqu'au Paraguay. On la trouve dans la forêt tropicale, brun très foncé, assez grosse, elle fait un bon centimètre, on s'en méfiera, car elle possède un dard dont la piqûre est fort douloureuse. Une colonie de Pachycondyla contient 100 à 200 ouvrières dans un nid installé au sol, en général construit dans des souches d'arbres morts. On a tous en tête ces images de fourmis qui communiquent entre elles. Que ce soit de façon tactile, antenne contre antenne ou chimique, la fourmi en libérant des phéromones délivre une multitude de messages qui vont de l'alerte à la parade amoureuse, en passant par la présence de nourriture ou la reconnaissance entre membres de même colonie. En revanche, on en sait un peu moins sur le cri de la fourmi. Tendez l'oreille en présence d'une Pachycondyla, vous aurez alors peut-être l'occasion de l'entendre s'exprimer. Car l'animal possède sur son abdomen, très précisément entre le deuxième et le troisième segment, un appareil de stridulation composé d'une plaque striée sur lequel vient frotter une sorte de petite dent semblable à un grattoir. La Pachycondyla crie en situation de détresse. Un SOS qui permettrait d'alerter les autres membres de sa colonie, de signaler un prédateur ou de signifier qu'elle est en danger. On ne le sait pas pour cette fourmi en particulier, mais l'on sait que chez les fourmis en général, la production de signaux sonores est assez répandue, sans que pour autant l'on en connaisse toujours la signification. Chez les fourmis Ata, par exemple, celles qui cultivent des champignons qu'elles nourrissent avec des feuilles, la stridulation est un appel à un effort collectif pour couper les feuilles, l'équivalent d'un « oh, is » en langue fourmi. Chez d'autres espèces, les stridulations produites par la reine stimulent les ouvrières. Situation dont abusent largement les papillons azurés Maculinea halcone, dont les chenilles se sont installées à domicile chez des fourmis du genre Myrmica. Car ces chenilles sont capables d'imiter la stridulation de la reine et doublent l'heure de produire les mêmes signaux chimiques que ces fourmis, avec pour résultat les fourmis ouvrières qui les nourrissent et les soignent comme leurs propres larves, jusqu'à ce qu'un beau jour, le papillon prenne son envol. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de Fanny Ribac de l'Université de Paris-Sud et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.